331e chapitre. Après l'alerte. Les quatre amis regagnèrent l'aéroplane qui se trouvait tout près de là. « Tiens, dit Fabien, vous avez donc changé de place? Du diable si jamais nous vous aurions retrouvés !»« Parbleu, fit Monsieur Voirin, nous nous étions mis à votre recherche. Nous étions inquiets, nous ne vivions plus. Tout d'abord, nous avons supposé que vous vous étiez égarés, mais quand nous avons entendu les coups de feu, notre inquiétude a été portée à son comble. Peste, vous en avez tiré des balles sur ce maudit ours. » Oh ! Se récria Fabien. Ce n'est pas seulement sur lui que nous tirions. Je ne lui ai envoyé qu'une balle, mais les autres étaient destinées à des messieurs que je crains bien de voir reparaître. Des bandits ? Demanda Monsieur Voirin. Oui, d'affreux bandits. Des Indiens et des vrais, je vous l'assure, bien qu'ils n'aient pas de chapeau de plume ni d'anneaux aux oreilles. Ce sont cependant de vrais peaux rouges et de terribles individus. Francis en sait quelque chose. « Oui, s'écria le gosse. Figurez-vous que ces brigands voulaient me scalper. Ils s'apprêtaient déjà à m'enlever la chevelure quand Fabien est arrivé. Sans lui, j'étais perdu et vous me retrouviez sans peau sur le crâne. Avouez que c'eût été vexant de se faire scalper presque à la fin de notre voyage. « Et ces Indiens sont toujours dans les environs ? » demanda Monsieur Voirin. « Oui, répondit Fabien, et je ne serais pas étonné qu'ils rôdent autour de nous. Alors nous allons nous remettre en route. Sans manger un peu de notre ours ? Mais si nous sommes attaqués ? Bah, l'aéro est-il en état ? Oui, Grondard l'a réparé. Alors tout est pour le mieux. En cas d'alerte, nous n'aurons qu'à mettre le moteur en marche. C'est peut-être imprudent ce que nous faisons là. Mais non. D'ailleurs, il faut bien que ce pauvre Tautau mange quelque chose. Il est mort de faim, le pauvre gosse, et un bon morceau d'ours saignant le remettra. N'est-ce pas, Tautau ? Le petit Tonkinois se dressa sous le capot et montra sa figure amaigrie. « Vous avez un oiseau ? » demanda-t-il. « Non, Tautau, nous avons quelque chose de meilleur. »« Quoi donc ? » ?»« Tu vas voir, recouche-toi. Quand le couvert sera mis, nous te réveillerons. » Tautau rentra sous le capot. « Maintenant, c'est pas tout ça, » dit Fabien. « Il faut aller découper un peu notre gibier. Francis, prête-moi ton couteau. » Quelques instants après, le Parisien reparaissait avec un énorme quartier de viande saignante. « Voilà le rôti, » fit-il. « Vous allez voir que l'ours est excellent. » À la hâte, il installa un foyer, puis une broche improvisée, auquel il suspendit le morceau d'ours et déclara d'un air satisfait « Dans une petite demi-heure, nous pourrons nous mettre à table. » Pendant qu'il s'occupait du repas, M. Voirin et Grondard surveillaient les environs. Quant à Francis, il était monté dans l'aéro, s'était assis à côté de Tautau et cherchait à l'égayer. Le petit Tonkinois allait un peu mieux. Ce qu'il lui fallait au pauvre gosse, c'était de la chaleur. Dès qu'il avait chaud, il retrouvait toute sa gaieté. Cependant, Francis ne pouvait, sans émotion, regarder son jeune ami. Tautau avait effroyablement changé depuis le jour où les aviateurs l'avaient recueilli. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses membres grêles semblaient plus graciles encore, et sa pauvre petite figure n'était guère plus grosse que celle d'une poupée. Il respirait difficilement, et dès qu'un peu d'air frais pénétrait dans sa gorge, il se mettait à tousser d'une façon effrayante. Elle avait quelque chose de sinistre et de douloureux tout à la fois, la toux de Tautau. Elle était toujours précédée d'un petit sifflement et dégénérait ensuite en une quinte affreuse. L'enfant se rendait certainement compte de son état, car il était toujours triste. « Eh bien, Tautau, » demanda Francis, « est-ce que cela va un peu mieux ? Tu as chaud ? Oui, bien chaud. » « Ne te désole pas, va. Bientôt nous allons retrouver les pays de soleil, et tu te porteras mieux. C'est un dur moment à passer, mais dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. « Nous n'allons pas voyager toute la vie. » Tautau souriait à son ami. Comprenait-il ce que lui disait Francis ? Peut-être. En tout cas, il paraissait plus heureux.